Bonjour, je viens de voir la vidéo L'oiseau manqueur, puis bon, par rapport que dans la commission, bon, il y a les témoignages Amélie Paul puis Stéphane Blais. Là, l'affaire, c'est que oui, c'est une question de discernement, c'est-à-dire que oui, possiblement que ce soit volontaire ou à leur insu, il y a des gens qui sont là justement pour discréditer peut-être. Même là, je les accuse pas d'être là pour ça, mais ça se peut qu'ils soient instrumentalisés pour ça. Comme Stéphane Blais, bon, c'est sûr qu'il a une personnalité assez spéciale, mais moi, je l'ai écouté, son témoignage. Puis, il est égal à lui-même, si je puis dire, c'est-à-dire que au fond, comme témoignage, des fois, il intervient quand c'est pas le temps, il est hors contexte, puis le procureur qui l'interroge est obligé de le recadrer. C'est les mots du procureur lui-même. L'affaire, c'est qu'il y a tellement d'heures de témoignages, puis du monde de plein de milieux. Puis, je trouve ça dommage qu'on se freine parce que, bon, il y a M. Blais qui témoigne, vu sa personnalité, puis bon, aussi Amélie Paul. Amélie Paul aussi, je l'ai écouté, son témoignage. Puis il reste que on peut voir que, bon, s'il y a une instrumentalisation, que ce soit volontaire ou à son insu, c'est parce que d'une certaine façon, comme tout le monde, elle a été mise dans une situation jusqu'à un certain point de survie. Puis c'est là-dessus qu'elle témoigne qu'elle était productrice de spectacle. Puis là, tout d'un coup, elle pouvait plus avoir de revenus. Puis bon. Puis Amélie Paul, oui, c'est sûr qu'elle cherche le spotlight. C'est un petit peu son métier, là. C'est pas Simone Veil, là. Amélie Paul, elle va pas nous pondre une thèse puis publier ça, là. Donc, bon, moi, je considère, c'est un peu comme si on avait été affamé pendant longtemps. Puis là, on met devant nous un plat avec de la nourriture, une nourriture abondante, riche, nourrissante. Puis parce qu'il y a deux, trois mouches dessus, on dit non, moi, je touche pas à ça. Non, moi je veux, j'en mange pas. Toute l'assiette est contaminée. Moi, ce que je pense, c'est que le discernement, c'est un peu, ben, on va enlever les mouches puis manger ce qu'il y a de bon dans l'assiette parce que c'est une question de survie. C'est une question de logique aussi, à mes yeux. Là, François Amalega, Bitondo, même cas que les autres, que ce soit volontaire ou à son insu, je pense que oui, il était jusqu'à un certain point peut-être un petit peu instrumentalisé au niveau d'une guerre de l'image. Moi, le reproche que j'avais à faire par rapport à lui, c'est qu'en se présentant devant les caméras avec une pancarte marquée génocide carrément dessus, c'est tellement gros que d'une certaine façon, ça discréditait toute opposition. Parce que là, ça, c'est ignorer certaines mécaniques de protection psychologique dans le public, puis de la façon aussi les techniques dans une guerre psychologique, dont après, les médias en place peuvent récupérer puis servir des mécanismes de protection puis d'altérité, de bon. Moi, l'affaire que François Amalega Bitondo, il a réussi à s'infiltrer dans une conférence de presse, moi, je trouve ça quand même assez plausible. Parce qu'au début, il était moins paranoïaque qu'il l'est là, Ceaușescu, le génie des Carpates. Je veux dire François Legault, le roi de la patate. Je m'excuse, je me trompe tout le temps entre les deux. Puis finalement, bon, ben, c'est comme quand il y a eu ici, il est venu ici, François Legault. J'avais d'ailleurs fait une vidéo. Puis quand je suis allé, j'aurais pu, dans le fond, je pense pas mal, j'aurais pu rentrer. J'aurais pu rentrer. J'étais en habit noir avec une chemise blanche. Puis quand je suis arrivé, il y avait du monde du domaine culturel de la ville qui était là. Puis il y en a là-dedans que je le sais qu'ils me connaissent. Puis finalement, quand j'ai vu la sécurité, puis comment que c'était tellement une ambiance lourde, c'était tellement. Puis j'étais en colère, là, ben franchement, de voir comment c'était, là, que finalement, je suis allé voir les manifestants. C'était plus fort que moi. Puis, même quand je me suis mis à marcher pour aller traverser l'autre bord de la rue pour aller avec les manifestants, j'entendais des manifestants dire: Hey, il y a un d'eux autres qui s'en vient ici. Je passais carrément pour un de la clique de la ville qui était là. D'ailleurs, cette journée-là, la veille, je le savais que l'équipe de François Legault le précédait, puis qu'il y avait du monde qui, je le savais dans quel hôtel possiblement qui était logé. Puis j'étais allé voir. Puis il y avait des gros VUS qui sont clairement des services de sécurité. Ils ont fait venir un autobus d'une équipe de hockey avec un public présélectionné dedans. Là, j'ai vu les têtes grises descendre. Là, puis genre, c'est eux autres qui vont être présents quand il va faire son annonce puis pour remplir la salle. Hein. Mais je suis pas mal sûr que si j'avais joué le jeu puis que j'étais allé devant l'endroit où ça se passait, la journée où il était là, François Legault, puis en jasant avec le monde, puis tout, puis en me laissant fouiller, puis j'aurais certainement pu assister à sa petite, son petite annonce, là. Sa petite annonce qu'on sent, en tout cas. Finalement, donc, que François Malega Bitondo, il a réussi à s'infiltrer dans une conférence de presse, moi, ça ne me surprend pas. Parce que au début, il était moins paranoïaque, Legault. Puis aussi, il a l'air un peu d'un journaliste, François Malega. Puis de la façon qu'il s'est comporté, il le racontait à un moment donné comment il a fait. Puis, je trouve ça quand même assez plausible. Il y a aussi le fait que, bon, François Malega, c'est un Camerounais. J'ai eu un ami, un correspondant que j'ai jamais rencontré en personne, mais que j'ai discuté longtemps avec, un Camerounais qui était professeur de philosophie à Douala au Cameroun, puis que j'ai essayé de l'aider parce que lui, il voulait immigrer au Québec, puis finalement, j'ai eu un suivi pendant quelques années, puis là, une fois que il était bien inséré, puis il était rendu à Laval, puis tout, là, j'ai coupé les ponts, il y a plus de, j'ai plus de contact avec. Mais la mentalité camerounaise, moi, François Malega Bitondo, je considère pas que c'est un personnage créé, je veux dire, c'est réellement un professeur camerounais, je veux dire, ça saute aux yeux, là, c'est vraiment ça. Puis aussi, il y a, c'est quelqu'un qui a des. En tout cas, je dis, moi, ce que je reprochais à Malega Bitondo, c'est qu'au niveau de une guerre de l'image, puis des stratégies psychologiques par rapport au public, puis la psychologie de masse, s'il était extrêmement malhabile, puis ça n'avait pas le choix d'être récupéré, puis de nuire, dans le fond. Mais qui est allé en prison, je suis pas mal sûr que c'est vrai, puis que bon. Est-ce que c'est vraiment un agent de ci, de ça? Moi, quand je l'écoute, puis je le regarde, je vois vraiment un professeur camerounais comme j'ai connu. Puis bon, c'est. Qu'est-ce que vous. Bon, c'est dommage. C'est pas parfait. C'est malhabile. Il y a certaines notions de psychologie de masse qu'il n'y a pas. Mais c'est un professeur de mathématiques. C'est pas un. Hein, c'est. C'est un peu comme Amélie Paul. Bon, oui, peut-être qu'il y a des choses que c'est pas parfait, mais je veux dire, Amélie Paul, c'est une fille de show business. C'est un petit peu. Sont toutes un peu. Hein? Les chanteuses puis les actrices. Puis bon, c'est pas du monde. Bon, c'est du monde qui. Bon, j'essaie d'être gentil, là. Je vais rester gentil. Donc, moi, à mes yeux, ça change rien. Je considère que. Si réellement il y a des gens qui sont instrumentalisés pour être des bifurqueurs, puis qu'avec toutes les heures de témoignages qu'il y a eu de gens de tous les milieux, que finalement, parce que là, il y a deux, trois mouches sur le dessus du plomb, on refuse de toucher à ça, puis ça veut dire qu'ils gagnent, puis ils ont réussi. Et ça veut dire qu'ils font, ça veut dire qu'ils sont prêts à la thèse, là, que c'est des bifurqueurs, puis on leur fait réussir parfaitement leur mission en faisant ça. On leur fait réussir. Puis, je les ai écoutés pareil. Je les ai écoutés pareil. Puis, comme je dis, Stéphane Blais, il intervient quand c'est pas le temps. Il interrompt le procureur. Il est hors contexte. Le procureur est obligé de le recadrer. Mais il reste que d'un point de vue légal, ayant connu des commissaires à la sermentation, puis les témoignages, tous les témoignages, c'était des témoignages assermentés, puis il reste que. Ça a quand même un poids légal, puis qu'à un moment donné, cette commission-là, elle va déposer un rapport, hein, qui pourrait être lourd de conséquences. Moi, ce qui fait que, à mes yeux, ça a quand même une certaine crédibilité, c'est qu'il n'y a pas un maudit média qui en parle. Il n'y a pas un maudit journaliste qui en parle. Puis ça, c'est spécial, là. Parce qu'on l'a vu, dans les années qu'on vient de vivre. Dès qu'il attaquait quelque chose, qu'il voulait discréditer quelque chose, il n'hésitait pas. Il n'hésitait pas, puis il était rentre dedans, puis là, pas rien. Pas rien. Pour ce qui est de, bon, comme M. Cossette-Trudel, M. Cossette-Trudel, prenez Duhem. Duhem, là, il est encore avec sa pétition pour les drag queens, puis à ce que je sache, pas un mot sur la commission. C'est comme si ça n'existait pas. Peut-être qu'il y a un devoir de réserve parce qu'il va témoigner dedans, je ne le sais pas. Ben franchement, c'est pareil pour M. Cossette-Trudel. Peut-être qu'il se garde une réserve parce qu'il va témoigner dedans. Aucune idée, dans le fond. Mais je veux dire, ce que je peux pas vérifier, je spécule pas trop non plus. Moi, c'est par rapport à ce qui est visible, ce qui est vérifiable, ce qu'on peut, la logique. La logique. Parce que bon, le réel, c'est quoi? C'est le monde des choses, le rapport, les rapports d'énergie entre structures, puis bon, ce qui est empiriquement constatable. Puis l'irréel, ben là, c'est le monde des idées, là. Puis quand on tombe, ben, justement, ben, ça peut rendre paranoïaque. Le paranoïaque, il vit pas dans le monde des choses, il vit dans le monde des idées. Dans sa perception, qui est une déformation, dans le fond, parce que tout n'est pas si simple. On n'est pas pour polariser, lui il est bon, lui il est pas bon, puis au niveau des rapports humains, puis de la psychologie humaine, puis c'est jamais si simple que ça. Tout est plus nuancé que ça, tout est plus, c'est jamais aussi simple que ça. Puis même quelqu'un qui fait partie d'un camp, puis à qui on a donné un job, connaissant un petit peu les travers humains, il peut y avoir un effondrement, puis il peut revirer de bord n'importe qui, il peut retourner sa veste n'importe qui. Il y en a des personnalités comme ça, puis il y a tout le temps des surprises. Il y a tout le temps des surprises. C'est pour ça que je comptais beaucoup sur des imprévus. C'est ça, moi, ce qui fait peur, justement, à M. Legault. Là, ça doit être une de ses pires craintes, puis c'est pour ça qu'il est paranoïaque de même. Les imprévus, les choses qui font pas partie. Parce qu'un plan, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose de prédéfini. Mais le réel, c'est pas prédéfini au sens psychologique du monde des idées. Mais même si c'est mécanique, il y a tout le temps des éléments qui nous échappent. On ne sait jamais comment ça va se passer. Puis au niveau d'exécutant, ben ça gagne. Ils peuvent le jeter en dessous du bus n'importe quand. N'importe quand. C'est l'histoire du monde. Donc, oh, il y a intérêt à ce que ça. Même. À date, il est chanceux. À date, il est chanceux parce que, bon, donc par rapport à tout ça, moi, juste le fait, ben, prenez M. Cossette-Trudel, il a fait quatre émissions en ligne, les Drag Queens. Là, il y a cette commission-là, les témoins sont assermentés, c'est mené par des procureurs. Pas un mot. Pas un mot. Comme je dis, peut-être qu'il y a un droit de réserve ou il y a un devoir de réserve parce qu'il va témoigner dedans, je ne le sais pas. Mais c'est fini à Montréal. Hein? Lui, il ne doit pas vivre à Winnipeg, hein? Bon. Donc, moi, je trouve ça spécial. Je trouve ça spécial, pas un mot. Il nous parle le rapport Durham. Je ne le sais pas pourquoi ça s'appelle Radio-Québec. Son affaire, ça devrait s'appeler Radio-Trump ou Radio, Bible Belt, United States. Parce que. Moi, je trouve ça incohérent. Je trouve ça incohérent, ça marche pas, là. Donc, jusqu'à un certain point, il y en a que, comme là, les journalistes, en parlant pas de la commission, sont en train implicitement d'avouer une complicité à quelque chose qui était criminel. C'est criminel. C'est criminel. Je m'en fous de l'idéologie des gens qui nous gouvernent. Ils me font là-dessus, ils peuvent pas. Prenez juste le fait d'avoir enlevé la vitamine D à des gens âgés. Les Français, ils ont, eux autres, le plan, ils ont achevé du monde avec du Rivotril parce que les opioïdes qu'ils voulaient acheter, ils n'avaient plus sur le marché parce que le Canada et les États-Unis les avaient tous achetés. Il y a eu ça dans les témoignages, des choses comme ça. Donc, c'est de l'eugénisme. C'est des meurtres. C'est des meurtres, là. Puis là, il y a une structure qu'il y a du monde qui en parle. Est-ce qu'on va rejeter tout ça parce qu'il y a deux, trois mouches sur le dessus? Amélie Paul, puis Stéphane Blais, puis même là, je dis pas ça méchamment, là. Mais c'est par rapport à ce que l'oiseau moqueur, il disait. Bon, moi-même, je suis une mouche, là. Dans le sens que non plus, je suis pas parfait, puis tout, puis tout est pas si simple. Tout n'est pas si simple. C'est plus nuancé que ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, faire attention avant de catégoriser d'une façon polaire, d'une façon totale. Moi, je trouve ça, c'est sûr que c'est plus compliqué que ça. C'est sûr et certain. Puis, il y a eu tellement d'heures de témoignages, des journées complètes avec des témoins. Des fois, les témoignages, ils durent juste 40-45 minutes. Donc, il y en a, là, des témoins dans une journée. Dans le fond, là, on risque de se priver, c'est comme si on sabotait nous-mêmes, là, en tant que peuple. Puis, comme d'habitude, on a été programmé pour faire ça. Puis si on refuse de jeter un œil là-dessus, parce qu'il y a Stéphane Blip et Amélie Paul, puis que, là, je ne suis pas en train d'affirmer que c'est ça, que c'est des bifurqueurs, puis qu'ils sont là pour ça veut dire on leur fait réaliser parfaitement leur travail, leur mission de sabotage. Puis c'est leur donner raison, c'est comme rendre les armes. C'est comme Vercingétorix qui jette ses armes à terre, puis qui se soumet. Puis. Moi, je suis plus du genre, ben, on va se tenir debout jusqu'à la fin, puis c'est pas grave si on perd, en autant qu'on s'est tenu debout jusqu'à la fin, puis qu'on a pris tous les outils, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, puis qu'on n'a rien à se reprocher. Moi, ça, c'est plus important à mes yeux. Bon, des fois, c'est sûr, des fois, bon, je peux avoir l'air un peu dur, puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis il y avait sorti un film, c'était Harry et Ellie Anderson. Harry et Ellie Anderson. Puis je me souviens, il y a une scène, il y a le méchant là-dedans, c'est un Québécois, mais un Québécois version américaine, là, me semble, qui s'appelle Lafleur. C'est une sorte de caricature, là. Il a plus l'air d'un Français dans le film, parce que bon, les Américains, ils font pas vraiment la différence entre. Nous autres, on l'a fait, la différence entre un gars de Londres puis un Texan, mais eux autres, les Américains, c'est des hosties de cruches. Donc, je parle grand public, là. Quand ça regarde en général, c'est du monde. Bon. Puis, à un moment donné, dans Harry et Lee Anderson, qui est un Bigfoot recueilli par une famille, qui est un peu un navet, c'est pas un film extraordinaire, là, mais il reste que, moi, il y avait, quand j'étais petit, une scène qui m'avait frappé. C'est que, bon, Harry est recueilli par une famille, puis il y a un chasseur qui veut le tuer pour prouver que les Bigfoot existent. Puis, à un moment donné, vers la fin du film, Harry puis Lee Anderson sont en fuite parce que le méchant Lafleur, il veut tuer Harry. Puis, ben, faut le faire, hein, parce qu'il faut avoir de la mémoire, parce que je n'ai pas revu, là. En tout cas. Puis, à un moment donné, ben, le père de famille, il sort Harry du char, puis il dit, je t'aime pas, va-t'en. Puis, il frappe, puis il dit, va-t'en, on veut plus te voir, on t'aime pas. Puis, mais au fond, c'est pour lui sauver la vie. Puis, quand j'avais vu ça dans le temps, ça m'avait frappé. Parce que, des fois, je peux être de même. C'est-à-dire que je considère que y a des gens que, par exemple, comme c'est arrivé dernièrement, ben, faut agir un petit peu de même pour qu'ils passent à. T'sais, que ça aille à un autre stade plus haut. Des fois, il y en a, faut qu'ils maïssent pour qu'ils grandissent. C'est comme quand la personne. Fait que je peux être porté à agir de même. Des fois, parce que je veux pas être une nuisance, puis je veux pas ralentir certains processus, au contraire. Au contraire. Puis des fois, c'est sûr, je peux être bien plus antipathique que Stéphane Blais, dans le fond. Mais c'est pas pour des raisons. Il y a du monde que si c'est spécial parce que c'est bien difficile d'aimer le monde intelligemment. Puis souvent, on aime le monde pas intelligemment. Mais se faire haïr du monde intelligemment pour leur bien, ça, c'est encore plus dur. Puis moi aussi, psychologiquement, j'y risque. Bon, j'ai une personnalité, j'ai des émotions aussi. Puis. Pourtant, des fois, je vais aller contre ma propre sensibilité. Parce que jusqu'à un certain point, la fin justifie les moyens. Puis c'est pareil. C'est pareil avec cette commission-là. Puis tout. Si on ne veut pas le manger, le plat, puis pourtant on est affamé depuis des années, puis que peut-être notre salut, une partie de notre salut se trouve dedans, mais que on refuse de le manger parce qu'il y a deux, trois mouches dessus, ben ça veut dire que ceux qui ont mis les mouches gagnent. Ça veut dire qu'on n'a pas de discernement. On n'est pas capable de voir puis de faire face pour vrai. On préfère se détourner parce que psychologiquement, au niveau de la guerre psychologique, au fond, c'est une guerre d'usure, puis ça veut dire qu'on est en train de lâcher. C'est en train de lâcher. Cette commission-là, je l'ai attendue pendant 2 ans. Puis même, je l'espérais même pas. Puis il y a des témoignages dedans, c'est accablant, puis c'est évident. Même on pourrait prendre l'anglicisme evidence, là. Donc, c'est ça que je voulais dire. Puis, moi, tout ce que je. Le plus gros. Moi, j'avais quitté YouTube, j'étais parti. Je sentais que ça en venait des choses, puis qu'on. Bon. Puis j'ai dit, je veux pas être pris. Je veux pas être pris entre l'arbre puis l'écorce quand ça va arriver. Je veux pas m'impliquer ni d'un clan, ni de l'autre, ni dans même ce qui est entre les deux, parce qu'il y a tout le temps encore d'autres. Puis finalement, quand que finalement j'avais donné une entrevue à David Lévesque, puis j'ai dit, il y a quelque chose qui s'en vient. Ça se sent. Un petit peu comme quand j'ai parlé de faillite de banque la veille qu'il annonce que le Crédit Suisse était en difficulté. C'est pas, je passe mon temps à regarder des graphiques, puis je passe mon temps à observer. C'est ça que je fais le plus. C'est ça ma démarche, l'observation. Puis à un moment donné, on le sent. On le sait. Puis j'avais décidé de. Quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, là, avec leur folie, de, puis que même avant que ça soit. J'ai dit, c'est juste. Puis là, déjà, j'étais essayé de préparer le monde à. Qu'il reste tranquille, puis qu'il, dans le sens qu'il panique pas, que ça marche pas. C'est pour ça que j'ai rouvert une chaîne, puis je suis revenu, puis j'ai pas pu m'en empêcher. De la même façon que quand j'étais allé, où ce que Legault y allait donner, il allait faire son annonce, puis tout, je suis pas mal sûr que parle-parle, jase-jase avec le monde qui était là, puis il y en a que je connais qui étaient là, j'aurais pu rentrer et assister, là. Mais ça a été plus fort que moi, j'étais allé sur le bord du monde qui manifestait. Puis même en me voyant, comme je dis, ils ont dit, ben, hey, il y en a un deux autres qui s'en vient ici. Et c'est sûr, bon, j'avais pas le même look que t'as fait, mais à un moment donné, pendant la journée, je suis allé me changer, je me suis habillé en blanc, parce que là, être en habit noir au soleil, à un moment donné, il fait chaud, puis je suis allé me mettre un t-shirt blanc, puis des running, là, à un moment donné, à force de marcher avec des souliers Oxford, on se ramasse avec des corps aux pieds, là. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que, justement, c'est une guerre psychologique, c'est une guerre d'usure. C'est une guerre. Puis même, ils savent, hein, puis ils vont instrumentaliser le fait que ça va pas tout le temps bien dans nos vies, que tout ce que je vais avoir fait, puis tout ce que j'ai essayé de faire, entre autres, c'est au niveau des individus, que ça flanche pas. Puis que les structures psychologiques de gestion de l'énergie restent solides, puis que la personne soit dans l'observation de ces mécaniques-là pour pas justement qu'il y ait un effondrement psychologique. Puis aussi que les gens savent qu'il y a un soutien, qu'ils sont pas fous. Que oui, c'est réel, pareil, là. Dans le sens que, bon, mais surtout pour que les gens ils restent solides psychologiquement puis qu'ils passent à travers. C'est ça qui m'a motivé à réouvrir une chaîne. Puis je me suis senti que j'avais le devoir de le faire. De la même façon. Il risque, là, il y a un plus à la table, il y a deux, trois mouches dessus, mais il reste qu'on est affamé puis qu'on en a besoin. Puis, c'est sûr que, bon, je me sens le devoir de dire, ben, on n'a pas le choix, on enlève les mouches, c'est-à-dire on a du discernement, on discerne ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon, puis il faut qu'on mange, il faut qu'on mange un peu, sinon on ne t'offre pas, là. Hein? Je pense que j'ai dit pas mal l'essentiel. Mais c'est comme, même des fois, il faut passer par-dessus nos instincts. Qu'est-ce qui fait que l'être humain il est tellement vulnérable? C'est parce que, bon, quand on est enfant, pourquoi qu'on veut que nos parents nous aiment? Ben, c'est parce qu'on est vulnérable puis que notre protection, notre survie dépend d'eux. C'est des mécanismes de famille. Puis, mais il reste que la conscience, c'est-à-dire c'est quoi le réel, supposé aller au-delà de ces mécaniques psychologiques-là, quitte à des fois, si ce qui peut être le plus utile puis le plus efficace même, c'est de se faire haïr. L'important, c'est que l'individu, il finisse par être capable de passer à travers par lui-même. Pour lui-même, qui voit ces choses-là, pas que je sois aimé, pas que je sois aimé. Il y en a, c'est ça leur gros défaut, puis c'est par ça qu'ils ils se font avoir. Donc, bon, si on prend Amélie Paul, oui, c'est une fille de show business. C'est sûr que c'est pas idéal, puis qu'elle est peut-être, sur certains plans, de certaines façons, elle est peut-être vénale un petit peu. Mais c'est du monde, ils ont tellement besoin d'être aimés. Moi, ce qui m'importe à mes yeux, c'est pas, c'est de justement d'intégrer une compréhension des mécaniques de rapport de force puis de survie. Ça devient plus technique, plus froid. Donc, bon, est-ce qu'on va. Moi, je peux pas la rejeter complètement, la commission, il n'y en a pas que. Je peux pas. Ben, je sais que personne ne me demande ça non plus, là. Mais il reste que, bon, c'est sûr, ils ont des défauts, mais Amélie Paul, bon, peut-être qu'elle manque de discernement un peu, comme tout le monde, on manque tout un peu de discernement à un moment ou à un autre. Est-ce qu'elle est réellement aussi noire que. C'est sûrement plus subtil que ça, c'est sûrement moins simple que ça. C'est comme Stéphane Blais. C'est un autre qui a une personnalité au niveau psychologique, puis bon, il doit avoir des gros défauts, hein. Ben, je veux dire, bon. On peut constater que. Je suis pas sûr. C'est pas quelqu'un qui va instrumentaliser ses défauts par stratégie pour des raisons techniques. Disons qu'on voit que c'est assez spontané, hein, son affaire. Bon, peut-être. C'est sûr, il n'est pas parfait. Sa fondation. Moi, dès le début, j'étais critique parce que, au niveau, encore une fois, c'était un peu comme Bitundo. Bitundo, c'était au niveau de la guerre psychologique, puis la guerre de l'image, puis au niveau stratégique et tactique. C'était pas fort. C'était pas fort. La première conférence de presse, il nous sac Jean Cazot de Retlou, qui est associé à l'ufologie, que ça passe déjà, tu sais, pour des complotistes farfelus. Vous nous mettez Jean Cazot là, puis en plus, il dit rien, il est juste là. Il fait acte de présence, puis voyons donc, le logo de la fondation, c'est Saint-Michel l'Archange qui pourfend le dragon, puis les médias sont déjà en train de dire, ah, oh, c'est déjà influencé par l'extrême droite américaine, religieuse. C'est sûr que ça nuit, ça. C'est sûr. C'était pas fait parfaitement. C'est sûr. Moi, c'est de ça que je suis critique. Mais je suis pas. Je le polarise pas en pensant, ben, un tel, c'est l'agent de l'État, puis il travaille contre nous autres. Je suis loin d'être aussi sûr que ça. Parce que je le sais qu'au niveau de ces tactiques-là, puis c'est. Bon. C'est comme. Il y a un département de la guerre psychologique aux États-Unis, puis par rapport à certains services, puis bon. Puis souvent, le meilleur agent, c'est celui qui ne sait pas qu'il est un agent. Donc, il y a une instrumentalisation. Ils ont des psychologues, ils font le profil psychologique. Puis, comme ça, ils vont faire un tri. Puis, le recrutement se fait à ton insu. Puis après, ils vont mettre en place. Les vrais agents, là, c'est tout le temps ceux qu'on voit pas. Les vrais, là. Puis souvent, les gens qui vont être mis dans le spotlight, justement. C'est des gens qui sont agents à leur insu, puis sont instrumentalisés à leur insu. C'est des techniques que j'ai souvent parlé. Puis il reste que c'est quand même assez vieux, là, ces affaires-là. Je veux dire, oui, ça s'est raffiné à partir des années 50. Ils sont allés encore plus loin. Mais il reste que, comprendre, c'est juste, c'est une guerre psychologique, c'est une guerre d'usure. Souvent, le timing va faire que c'est quand que ça va plus ou moins bien que le timing fait que, comme là, cette commission-là, on dirait que ça s'est arrangé pour que j'avais des affaires au niveau juridique qui allaient aboutir exactement comme dans le. Ils ont mis une date droite pendant le Black Ops. Mais bon, je regardais ça froidement, puis c'était technique, puis bon, je. À un moment donné, il faut être compartimenté un petit peu. Pas au sens d'être compartimenté, genre comme les sautés qui sont, comment qu'ils appellent ça, là, ils ont split personality, là, c'est pas ça, là. C'est dans le sens de, bon, garder un centre, être multidimensionnel, puis c'est juste d'avoir du discernement. Parce que là, si on rejette puis qu'on regarde pas ce qu'il y a de bon à prendre dans cette commission-là, parce qu'il y a Amélie Paul et Stéphane Blais qui témoignent, ça, on leur donne les armes, on les fait gagner. Puis là, je parle pas eux autres, là, je parle ce qu'il y a plus haut, puis que peut-être même eux autres sont peut-être pas au courant. Parce que moi, l'histoire avec les dièses puis tout, elles sont vraies-tu conscientes tant que ça de ce qu'elles ont fait? Puis moi, je pense que non. Je pense que non. Sais-tu, c'est pas des comment je pourrais dire ça? C'est encore, on pourrait dire des exécutants, mais peut-être, mais c'est pas des écrivains de scénario là. C'est pas des chefs d'orchestre, pas des c'est des petits musiciens. Ils sont pas au courant des partitions tant que ça. Ils ont chacun leur petite partition, puis peut-être qu'ils n'ont pas de vue d'ensemble. Donc faire attention. Faire attention. Moi, le plus louche de la gang, je trouve, c'est notre ami cubain bouddhiste tibétain, on va le dire demain. Parce que là, bon, fini, je me mets du monde à dos. Mais peut-être que ça va leur faire du bien. Je veux dire, il y en a qui sont pas contents quand je nomme du monde. Je fais des allusions même. Ben oui, mais là, Chris. Hein? Bon, on va dire que ça va faire pour aujourd'hui. Hein? Passez une bonne journée, là. Il fait beau. Hein? Bye.